bote nyoso oyo bat ma pesa en tout cas na pesa na bote na bino moi c'est la votre non sika songo hein non sika songo oh bon mais ça na kolande bongo na chaîne na bino et kitoko il y a Eco RDC hein Eco RDC là je vois mon papa Jean Thibault Bois merci papa ma bote na depuis la Suisse hein. Donc merci pour la confiance et puis merci na lengue au sungara biso de temps à autre na ba conseil et puis na ba remarque. Et ça l'aura bien. Alors, avant tout, je dis aussi un grand merci à Peggy Walongwa, parce que c'est grâce à lui que vous me voyez dans vos postes de télévision. Donc, merci à toi, Peggy Walongwa, notre cordon, notre chef, en tout cas, Zalakarana, d'arrache-pied, pour Moussala, et qui est toujours du bonsoir. En tout cas, merci à toi. Et puis, équipe Nyonso, il y a Eco RDCJ à Walongwa. En tout cas, merci pour tout. Et voilà, très chers internautes, comme je vous l'avais annoncé, dans quelques jours, Brozoa Bongo, rubrique Naviso Yassika, il y a mon village. Mon village, où on a coupé sa moi, explication par rapport à Nango, bateau Bongo, Naviso de partout pour comprendre qu'est-ce qu'est mon village. Alors, mon village, c'est une nouvelle conception. Au Bongo, on a c'est-à-dire du Sonyonso, de concevoir, Naboka, si Bongo, il y a papa Jean Thibault-Thibault-Moi. Pour concevoir mon village. Mon village, c'est une conception et ça permet de bisoto et babambo kala biso. C'est vrai. Mingi, le roi Netinga, on a fait un foyer un village à bisoté. Nabi ba, disons comment je peux dire. Bien sûr, Nabi province Nanga, mais Nabi Penza ba tributé, ba bi au moins à 4-4 amboka na Nabi Aote. Alors, grâce à cette émission, ban on peut ba au la bon, on a poto, peut-être ba ebi maramamboka na Aote. Je suis venu à Aloba, donc à travers notre invité, comprenez, hein? Donc nous sommes en direct, notre invité c'est une grande mère, donc pour comprendre. Alors c'est un peu, disons-moi bref, hein? Bref, il y a conception de la vie, disons, il y a idée de la vie. Il y a émission. Donc, tout ça, c'est Sabino, c'est-à-dire, tout ça, c'est un peu à travers Bangonde, on a expliqué, l'époque, na Bangombo qui est à la carte, on a vivre en Nengenini, on a rebêté la vie de l'Euroni, on a Bangombaliaka, Bangombaliaka, donc, moi, je me suis dit, Carabongo, na Kati émission, na biso ya mon village. C'est une nouvelle conception, car on a un RDC, donc on se voit à et puis Bazouaka. Donc voilà, je suis avec une grand-mère, je ne sais pas si Peggy va me permettre. Il y a un coach déjà invité Nanga, un coach invité na Bissot, disons, comme ça, tout solana et par rapport, il y a mon village. Alors, ça veut dire que mon village, nous avons vraiment beaucoup de l'accident. Donc, voilà. Alors, je m'en vais déjà dire bonjour. Non, ben, Linga, la Poko, on a Bissot. Aébi, Linga, et puis, nous avons beaucoup de l'accident. Mbote, Koko. Mbote. Bonne santé. Santé bien. Vous avez bien. Hein? Mm. Alors, quand on a vu ça, il y a un tas là. Il y a un tas là. Il y a nani. Et puis, on a un colo. Combo Nangai, Ezali, Bolumbu, Itola. Bon, Mboka Nangai, Firasi, Oba Botingai. Mboka Nangai, Oba Botingai, Penzana, Botami, et Fonzolo Bolenge. Fonzolo Bolenge. Ah. Donc, il y a un côté ni, Équateur, jaune et abisso, Bolomba, Posta Bokote, Viras, Bolenge et Fonzolo. Donc, on est à village Labino, Mboka Labino, il y a un peu de Combo Nango. Alors, il y a un peu de Combo Nango. Province Labino, Équateur. Province Labino, Équateur. Quoi, on a Kinto, il y a Mongo, Bangala. Déjà, au même son avec quoi t'es yo aux âmes mangot aux mongala mongala bisonyon so babenga kabangala kasi na munoko amboka ndeto kesanaka biso tolobaka ya kimongo ngombe balobaka kingombe ngbaka balobaka ngbaka mungwande balobaka mungwande mbunza balobaka mbunza kasi biso tolobaka ba mongo. Ba mongo epa ina biso, soko mwana alamuki, mwana muke alamuki, olobina ye, oh beto, Ah, owana mwana muke. Oh, beso wana na linga. Oh, beso wana ezali lokola bonjour. Wana mukolo apesi mwana muke soka kutisa. Mwana muke pe azongisi. Mama kurutu losako. Nandimi elaka unzakomba. Donc, oh, beso wana ezara mukolo nde abandaka mwana. Abandaka mwana. Après ce que mwana azongisi losako. Nandimi elaka unzakomba. Elaka unzakomba elaksini. Elaka unzakomba pa nyoso tota elaka kaka nzambe. Makamo nyoso ezale pe ya nzambe tota elaka nzambe. Yango wana topesa ka losako elaka unzakomba. Pona avina yo okutambola kaka na nzambe. Okobota kaka na nzambe. Okobala kaka na nzambe. Okokota klasi kaka na nzambe. Okosala mosala kaka na nzambe. Mombongo kaka na nzambe. Makamo nyoso. Tota elaka kaka nzambe. Donc voilà, Boki Bongo, Kokona Biso a expliqué Biso, Ndenge Bapesa Rambote Bongo, Naki Mongo. Donc, Mpolo, Soka Lamuki, et que moi, Nana Lamuki, Te Soka Lamuki, Apesa Kembote. Oh, Betua. Oh, Betua. Oh, Betua. Et ça, nous parlera. Bonjour. Moi, Nana, Bino Batu, Bosa Napote, Bino Bamongo Nyoso. C'est-à-dire qu'on a partout ailleurs, partout dans le monde. Donc voilà, ça peut pas être un peu amitié. Mais actuellement, moi, dans la mouki, quand on attend un bonjour, elle en anglais, elle est chinois, ni haute. Moi, dans la mouki, et ça va être un peu de temps. En tout cas, ça va être bien. Et ça va être bien parce que peut-être, tout ça va être chance. Il y a un coco là, dans le monde, mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Donc il faut avoir la facilité. Il y a un peu de temps. Surtout, il y a un peu de temps. Et ça va être bien. Pourquoi on a un peu de temps? Ça va être bien. Il y a un peu de temps. Donc, dans le monde, en tout cas, ça va passer pour un peu de temps. Il y a un peu de temps. Alors, Coco, il y a un peu de Mboka opena oyo bota mikombo na wone. Plus papa na mama baboti. Mboka papa na mama baboti nga ezale fonzolo bolenge. Donc plus o papa na mama babota. Ah. OK, bota mi bongo na mbula. Nesko koye ba mbula oyo bota mina. Oye ba te. Na koye ba. Na za mwana 940. 940. Ah, comme ça, mais moi, bien. Pour que tu aies dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Oleko. Oleko. So bimaki. Okuti bandeko bafandi. Otuni oyebizo tuni bango. Oleko. Ah. Oleko nandi laksi bonsoir. Bonsoir. Bonsoir to. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir car ya pamba. Ah, OK. Donc voilà. Boki bon bonsoir. Ah, bonjour les dames bote. Bote. Donc bonsoir les ali et au bimi au ta bonsoir Alexi Oleko. Attends, où tu es pas na musique na popa okuti bato. Bande ko na yo. Olobi na bango. Loleko. Siko loleko no batsanza ko mate. Le ko baksanza combatte donc nous avons mis à la cara dans dengue à nous avons mis à la cara dans dengue. Ah, OK. Alors koko bete la bisonan bo mwana na ona mboka ezali o wana ezali o na lobi oleko ezali lokola bino bo pesa ka okuti bato bavandi o pesi bonjour bonsoir biso pe oleko. Ah, OK. Alors koko bete la bisonan o kieli solo ndenge na mboka bo banda ko vivre depose aki bo mwana na yo ti bokoli en tout cas na mboka penda bato banda ko vivre ndenge ni. Ah, na mboka na biso tozalaka bien banda bankoko ya kala te kokoma batata na biso oya bango ba mama na biso te ikokoma bango ikokoma biso mboka na biso tozalaki na pasi te po bankoko ya kala basaki bakwiri bankoko ya kala bazwaki banzete moke peyi na biso nkombo bembambo bazwi mbeli bapaloli te basali savo ya bilamba bembambo wana nde eza nzete ntango ya kala owana kutu biso tobotami nanu te ata batata na biso babotami nanu te oyo bankoko mpenza ya kala et bandiwana. Tango baboti ba tata na biso. Omani nzete moke eta etere makaso ba mongo ba koyoka. Tobenga kankombo bombambo. Bombambo wana ozui ba poso na yangonde osali savo. Yango wana ba eko sukula kabilamba. Bo. Tango bazaraki na tango ya kalabilambe bimina anote. Bazui ba nzete ya mbira o oh, basala ka ba mpekwa. O oh, ba bilamba bakenda eko lataka. Bo tango pe mokili e monani te bato ba monani mokili wana ya kalesiri ba eko lata bilamba. Ba eko zwa ba savo poso ya mbambo basali savo basukoli bilamba. Tango pe ba eko bota ba tatana biso. Nde mundele auti poto. Tango bango bazalaki mundele azalaki te. Tango toiko zwa ba savo ba mungwa ba petrole makambo nyoso na flama. Ba uti poto. Flama ba komi. Tango flama yi na mboka. Nde toiko zwa ba savo ya kosukula bilamba ba mungwa. Baba mafuta makambo nyoso toiko zesika mundela akumi na mboka na biso ba mongo. Bon, na mboka na biso tango ya kala. Ezalaki bazalaki na bilamba te. Bakenda eko lataka bazui ba kasa ya mbila o ya pembe basali mayele. So bomonaka babinaka na ba mabele lisi. Mayele wanande bato ya kala bakenda eko lataka. Na ba saki ya lokola meyuko. Bon. Ngawande bato tango. Bato ya tango ya kala. Oh ya bango mbongo bazalaki na mbongo te. Bazalaki na ba kuivre. Hein? Non bango ba pesi ba kuivre mindele ba pesi. Ba kuivre. Motayaki na mbongo za mundele. Kasi bato ya kala bazalaki na mbongo te. Bazalaki na ba kuivre. Non bango ba na pesa richesse, bango ba pesi ba richesse, bango ba pesi ba biloko. Ah. Ba savon, ba bango pe tango ya kala, ba yaki kosala ka ba kwidi na bango, ba zui makala, ba tine loko moko boni. Ali, ba pelisi. Tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk. Ba zo osala ba kwidi. Ba kwidi. Tuk tuk tuk tuk tuk tuk ebimi. Tuk tuk tuk tuk ebimi. Tange koko mebele, aki ko bala mosi. Donc, n'est-ce pas pour la moisi na ba mongo bandeau que la basi na ba cuivre la ba cuivre ba cuivre wow. On a pendengé ba yako salaka ba zui eloko moko boy ba tina kati ya eloko moko ba sala lokola eloko moko boy ba tia ba zwa kanakala ba tia ka ozu ola koti mo eloko moko oti eloko wana ekomi cuivre Donc, on a dit que la basse est biloko. Soit Zana Zala, il y a un somme biloko et pas moto. Apesi cuivre. Tango mundela, ye. Tango batatana biso ba botami. Mundela, ye. Nde, baiko banda mbongo. Omani, baiko banda mbongo. Pe esika kobota maya ba papa ba balaki na mbongo te. Ba balaki ka na ba kuife. OK. Oyoki? Ba balaki ka na ba kuife. Tango ya kobota mana biso o oh, mundela bimi nde mbongo iko bima. Ba savo e bimi, ba mungwa, ba mafuta, makambo nyoso o oh, biso todo sala bilamba e bimi. Yango wana Baiko bota pe biso, lele ba bota ki biso, mama zuize mi a boti, lele wana pe ba papa, ba koti ba kasi, na ba protesa ba yi, mundela yi, le ba papa ba iko kota ba kasi. Okay. Ba papa ba iko kota ba kasi. Bon, tango ba papa ba iko kota ba kasi, na mboka na biso ba mongo. Oh, ba be bisa biso le pitaso, na biso na mingando. Toza ba mongo kasi, toza mboka ni bale. On touche point moral koko. To rozo ma biso mama mbo, mais point o ke ba point na nini ba tu ba koma ko benga bino ba ngala boza ba ndumba boza na pite. Bon. Biso to zalaka moto loko la ngai. Na kota classe te. Po tata na ngai lobi mwana ifa bala. Falele ya mwana a bala. Gaina zwa bakwiri wa nana bala mosi muzusu abota. yango ana papa na nga alingaka ngai na kota classe te ye moko akotaka kasalingaka ngai te ngai pe na kota te ekolo na biso oyo zo yoka bamonge kesani bamongo na biso ya bandangele antando te mongo e alolo toyebi kindumba te basanko so toyebi kindumba te biso toyebi mwana abala azo avalele ya malamu lokumu malamu yango ana bamosusu na mboka na biso bakotaka baklasi bamosusu bakotaka te mpo bapapa balingi kaka mwana botami babali kutu mwana ozala na zemi moto ya mbongo ya bakwile ebele aye kobala zemi wana so mwana botami mosi mosi ya mwana na ngai soko mpe abotami mobali eleki ka boni omoni kasi biso toyebi kindumba te babengaka mpo tosangisa biso na bamingando mboka ya mbandaka yango wana babenga biso bamongo biso toyebibamingandobaaa bazaa kaka bato ekwatere kasi bazaa pemeni na biso te bango bazaa kote pemeni na kisangani omoni bato bakoke bango bazaa bato ya kote ya kisangani kuna kaka mpo babengami ekwatere kasi biso toyebi wana te biso tozwaka bango bana misala epa biso oyoki merci vraiment pour que vous me mettez mon maboko parce que ton lukarato zoa en tout cas précision na point on a pour basangi sa vino nyoso ba mongo bangala ba pité ok ba to bazana na pité ba outa rende côté ah ba yaka bazana ko tinde bala misala na ba mais si ko yo ko sala ke bundumba la bango basangi sa ba mongo. Ekolo na biso bamongo ntango mundela auti poto ekolo mpenza na biso tobota mindela ebele mpo mindela balingaka biso mingi kutu ngai mundela alingaka na bala ya bala ngai mpe naye koboya mpo nazaa mwana moke ngo nakenda te mama nabebisa sanse na ngai biso toyebi kindumba te bisala na kisasa ndenge tokomaka ozala moto ya bandundu tolingaka mpe babandundu te naboyaki mpo nalandi baseri ya bana mikete yotala mikolo te kaka bagarso mibali lokola ngai genevi ye garso mobali alingi ngai ngai mpe nalingi ye nalinga mokolo mpo na nini yango wana epei na biso toyebi kindumba te kisasa oso ntango frama bazalaki mokongo alingi mongo lokola asongba lingai lokola abela liboma oyebi naloba bokaboli nde mikolo oyo kasi biso nyonso moto oyo autaka na masuwa alongwaka mboka na ye amati na masuwa awa na kisasa mongala ata baswedi bazala kaka bangala oyoki ata baswedi bazala kaka bangala baye kokabola biso bangala nde bamongo baswedi kaka baswedi baluba kaka baluba baluba bazala baluba bakongo bakongo kasi mongala nyonso oyo autaka kisangani te bamongo babengaka bisala na kisasa bangala mpo toyaka nzela ya masubwa awa nde baye kokabola bo lisusu mpe na kisangani banoko na biso mpe bazala kuna batetela tompoke lokele bazalaka bamongo ntango toweli nyama oyo ya mboloko towelaki motu ya mboloko omoni toyi kokabwana ntango ya bitumba bango bakati bamosusu bakasai bamosusu bamati likolo ya bakisangani toyi kokabwana kasi biso nyonso tozala bamongo oyoki mpe na kokola na biso toyebi kindumba te toyebi obala tata azwa mosolo wana abala mosi mosusu mosi abota oyoki falele na biso bo biso tosangwa mpo basangisa biso na bato oyo tozwaka bango nde misala Et pas biso to bala ka bango te. Ah, donc biso mo bala ka bango te. Te mingando. Ah, mingando. To bala ka bango te. To bala ka mingando te. Na kena na mungando. Munganda ko ya nde mo sale pe na ngai ngai na ko bala yete. Ba tswa mingando to bala ka te. OK. Ah. Ko yebisa biso ko kona ekolo na bino, bozalaka na bikila nini. Ok, non, ni ko na biso to lia ka eloko te, ni ko na biso to ka soki to lia eloko e sala biso bien te na nzoto. Ah, biso ekila, biso to zalaka na ekila ya biloko ya e sala mabe na nzoto te. Ok. Ekila na biso ya biloko po, kaka ndenge mokili nzamba asalaka bato ya kala. Baka bola, bambisi mosuso, basi bali ate mibali nde balia. Okay. Banyama mosuso basi balia nde mibali balia. Kasezale ekila te soko li po kuvite. Po sali mabe na nzoto te. Kote ya banyama o bapekisaka biso te basi balia te toliaka te. Eloko tolia o bankoko ya kala bapekisaka te basi balia te. Tolia bo wayu, nzobo, tolia pe, oyo nani, koba, oyoki, bapekisa ka biso te, basi bali ate, kasi toko mako lia. Po batungisa ka nde biso, kasi ba nyama mususo ya bana mibali, tolia ka te. Neti ba nyama ba mibali, neti nyama ni? Ah, nati ba, ba bo komboso. Ok. Wa? Oye bi bo komboso te? Oye bi bo komboso. Basi e pa biso bali akate. Papa mokomboso nyama mousou. Mokomboso ba. Ba wata biso na poto, mi balo ba holanda biso msou ba ye bakite. Ba liya bilo kwa mopete. Ah. To basi pe oyo, ba liya ka deja mokomboso ba kompon ke na ikolo na bino. Ah. Kina na bino basi ba liya ka mokomboso te. Biso to liya akate. Po a zalo kola moutou. Ah, ok. Amani, to bo ya ka ye pa zalo kola moutou. Oko liya ye pa nani. Ata mindele bakenda ko finga biso makako makako po biso misapi nzoto eza ozalo ko ya makako kasi biso tokolia mokombo sote oyoki ah tolia ka makako bo ba nyama mosuso epe na biso ba lwambe masali akalwambe te lwambe azalo ko la nyoka tambola kabwe eh loko la nyoka bwe tokolia te banguma pe biso basi tolia kate et pas biso o yale akanguma kaka mibali ah donc on est ça babiloko oyo bino basi olia kate o pe basi balia ka en tout cas boyo ki koko na biso ni a expliquer bino onyoso olia la mboka la bino donc avant tout je dis un grand merci comme ça à mon papa Jean Thibault Chiboaboa, merci pour tout. Et puis merci comme ça à mon vieux Freddy Ndongala Irlandais, un bako bisou na yo, puis Pozenga, Papson Izebonga, Mike Moussissi, en tout cas, gros bisous à toi, j'attends toujours. Merci comme ça à Flore Makinisi, à mon bébé, Manasse Mazingo, Prisca, en tout cas, bah, gros bisous na yo. Ah, Nzambe na na ebite. Stéphanie, comment vous écrivez là? Donc voilà. Alors, comme on a biso. Comment est-ce que Stéphanie a moqué Zamboyo? Ah, Mboyo, en tout cas Stéphanie Mboyo, bah, bonté na yo. Alors, il y a ce coco, vous expliquez que vous avez un mboke zalaka. Parce que mon colombo, le mwaka mboka, il y a un boyaka wana kin. Il y a un boyaka ndengeni. Il y a un ndengeni. Vous avez un posa wana ya koya kin chasa ndengeni. Nga? Nga ina yaka kisasa. Nga ina yaka kisasa. Nga ina mubali na nga. To balani to boti bana. Bo balani kuna na mboka. Na mbandaka. Na mbandaka. To balani na mbandaka. Ya kimboka balinga ya sala ayaki kosala kana mbandaka ale. To imbandaka. Ya yiki to yipe kisasa. To yakawa na mbula nini to komaki awa. To komaki na 64. Ah. 65. Na yeko banda kubota bana na ngai ba bawo bazalaki awa. Obalaka na age niko. Na balaka. Balele wana. Na koki koloba na balaka soko na zana. Ba 30 ans. Ba 30 ans. Ah mais biso to yebi na mboka. To ba 28 na yebi te. Na mboka pe ba kuna pe ba mosusu ba balaka ba 15. Ba 16. Kasi ngai na ndenge na ngai. na kolaka na ndenge ya mubulute ngo okay. Na baraka nokite ah donc bato ah. Na bato bande ko bala mingi na mbula mukie bazara mubulu ah wana kuna mboka na bino na ekolo na ezalaka po na bazalaka mubulute ça oh. Dépend azo dépend na pela ah bazaraka. Ya moto ezo dépend na moto ya yo moko ndenge olingi ah non bah quand tu t'es allé ça que na bicole on sous bah quand tu m'as imposé à moi là que non bah là l'ambula tel ni tout ça là mais bien nous avons monté des panneaux là hier mon balo baga oh oh c'est à quoi les problème t'es une dingue bande à couper ma balle hein papa n'a bien pas salaire problème t'es papa salaka te avana na basina emisa to ka kimia asake loko mokote bae ko kuza ngate ndingo banda ko koya mabala tu sala ndo banda ko lingana ko bala mukete ya lo baka loko ta silika rapete alo baka te alo baka alo bi malamo motalingi mobali ye moko oya ko pesa mabe malamo motali nga mobali ye moko ake no vanda kimia na libala ah ok skoya ko lo mbo ka papa za ki deja na bon moto a kufa ki deja papa na mwe ero no mbo kapoya Kinshasa ya papa aboti wazaki na bomo ito deja te kutu mama na nga akufia na kisasa papa na nga pe akufa ki na mboka na sima na nga nde na iko ke na matanga okay bona libota na bino bozaka ko me bato so siko ero obali ko na ki babota na bino boni to bota ma 4 basi misa to mobali moko voilà bon qui bon coup quoi expliquer biso hein les gens ils disent bon on a beau quand même à on lobe la biso puis on aura beau quand on a yé mon terre à zolamba à on le bah on aura beau quand des aïe comme hein na l'école na bango tu es bah on l'a mané bah le bac à bâtir on a beau bah ça la canne donc bon vous aurez tout à l'heure alors coco il s'est biso au Bali ou il a mobile non ah on a Kinshasa et à vous y a un Kinshasa beaucoup de Kinshasa des gens ah beaucoup de Kinshasa dépendant c'est ça les mythes 64 tokuti kaka mokonza zalaki kasafu tokutaki mwa bien lelo mabe uya solo tika tokutaki korea bien to zalaki pe na babiloko etiki sasa salite ya basase ba milangi ya ba plastiki to zalaka ka kitunga mosi kenda zando na kitunga bakangeli yo biloko na papier oyoki papie wana so ina ango bwaki na full esile komona na te kasi oye baby siki sasa mokileo ya siko biso tokuta ya bie tolea bie kutu ba mabunzo tokenda ko liaka na kisasa okokate otali ni buzo olobi ha otali eloko to zaka na ba priorite okay. Ba priori ne makambo ya bino ya passe oyo to zaka mpe bie bibali pe basaka misala bie toi kokoma tango ya mobuto to zalaki pe kaka bien to zalaki mabete yo moko po monika ndenge passe yina kisasa makambo nyonso pe bebi donc voilà alors pour tous on vient d'attendre une photo aucun de ces coyo on l'a dit biso bilo ni bino na école na bino bolia ka mingi mais avant la biso fo oyé biso biso na potebi net na batabandu tebi ke bango biloko mingi bon balé ke ça misili na batabandu ne misili et pas balou bato ebe zali pour nous mai mai ba benga osu na bo matamba tebi ke za matamba pour nous mai mai sko bino na ba mongo ye bisa biso bolia ka ni bino o tebi ke soto li biloko oyo eza ekolo o ne mutu balamba ka ngo biso ba mongo tolia ka vuvute toi kwalia vuvu awa na kisasa oyoki na mboka oyo baboti biso tolia ka makemba tolia ka kpanga mongwele ntuka tolia ka mingi limbondo mbisi nyama po epa biso ezali ofandi bomoni ba makako bazo kolia ba paipai ba nyama na zamba mbisi okoka te yango wana tolia ka bo oyo mosusu toliaka na munoko wa mboka tobengaka bieya wana yo zomona bato ya banunu babengaka soko mikulu soko mikulu oyo ya pembe wana biso toliaka mingi yango na limbondo na pondo ya musaka oyoki ndunde za epa biso te toliaka ba ndunda te toliaka ba solo ya minene oye tedi ah oti na pondo olambi olambi musaka olambi pondo oti ba solo wana boli toliaka ba mbuma oh toliaka na pondo mama to retrouver en pe na bandundo ba ta bandundo pe ba ya mbuma makasi toliaka pe mbala na pondo na nyoko na pondo ah dans bilo ko bino boliaka bo siko musique na bino boloka kombo na ngoza la rani ah biso ba musique to yokaka na bana miketo kenda ko sala ka ba musique na biso ya ya bana mike ya ya balenio montasomi miziki oyo mwana babeta ka boye boye babeti ale bobini bosali balenio na bino kasi oye hii ya sikoyo tokoma kobina ka mabele lisi monyoma kombo ya bala mosi ya mongo oyo kelengi ah ne wana en tout cas voilà mon compoy que tu as la coco et puis ça d'abord on sentit que l'ambiance est dans mon plateau alors la coco nous expliquer puis ce bloc au bino bolia car tout ça là alors lelo bon biso toya kolia fufu ala na kisasa bafumbwa ala na kisasa kasi ejale pa biso te ah si on est lelo pena ko so to bito lia neti pa na to lia ni lelo pena ko la mbela biso neti ah lelo na zo lamba pondu ya musaka ah okay. Na mbala mabenge biso to benga kala muno kwa mboka mabenge wala mbala ya nini mbala mbala ya rouge mbala rouge okay wale wabenga uma manani to benga kata ya pemba ta ya rouge to benga kama mabenge na muno kwa mboka ba mongo o ba zahamba ba yebite to benga kambala uboli akande mabenge na muno kwa mboka okay ah toli akapena manyoko menkufu menkufu muno kwa mboka lingala manyoko manyoko toli akapondoa musaka na yango ya sikoyo na ikolamba yango na lambi mbira ezana moto sikoyo na lingina dongo la pondu na tuta na ti ya na moto mbira so ebeli na tuti musaka na ti na mbala boli donc voilà très cher ami internet tozo découvrir le lot ndenge nini ba mongo balambaka pondu ya musaka donc bino pe bwana poto po tomona ka bilubu pe salemaka mingi même comment te tomona peut-être basala biso mso pondu ya musaka po bapondu musaka bato bandumba za ndenge na balamba pondu musaka ba mongo pe bana ndenge na balamba pondu musaka lelo toko découvrir biloko nini batiaka bongo na pondu ya musaka po bino bato bolanda biso bozala facilité ya kolamba ngo na bandako na bino epi biso soko olingi mpo bapondu ya kote oyo elalaka pondu so elali 2 jours 3 jours ebebi yango wana tosalaka ozwi osombi solo oti oti solo pipili otuti na pondu ebeli ale ntango mpe bana bazala na elengi ya bali ya pondu bati sikre batiaka sikre mpo bapondu ya kote oyo mabe kasi ya mboka tosiaka te mpo tobuka kaka mokolo yango bolambi d'accord voilà très cher internaute tozokende déjà na cuisine totala ndenge kokola biso kolambela biso pondu ya musaka donc voilà tose retrouver tout à l'heure na cuisine par rapport ya mon village donc voilà c'est notre tout nouvelle conception na kati bongo ya Eco RDC. Donc merci à toute l'équipe, en tout cas félicitations à vous parce que c'est une des nouvelles dans le monde, il y a YouTube. Donc voilà, on se retrouve à tout à l'heure. Bisous. Voilà, très chers amis internautes, comme vous l'avez dit tantôt, que nous avons un tableau pour la reconnaissance de ceux qui ont la langue là. Particulièrement, le loi vient au sein de la Busso, Moussaka. Alors, au sein de la Busso, Moussaka, il y a. Ils ont fondu à Moussaka. Pendant que ça, on a fait ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a dit que ça, on a d Voilà, quand on est dans le bas, en tout cas, bateau peut-être que vous avez kati kati. En fait, c'est une première rubrique na kati bongo na kati chaîne na bino eko RDC. Donc rubrique à Sika, mon village oyo tout le kato e ba histoire ya mboka ndenge banda koleka manu e banda koleka. Alors toza plus na posa ya bakolo bon vraiment ba ebi li solo bien mboka ndenge le kaka biloko nini o bazaka na ngwe kila biloko nini ya bango zaka vraiment o ke bango baliaka. Donc voilà, très cher ami internaute, comprenez, nous allons expliquer bien. C'est-à-dire, yo mutoza école nyonso. Ozala mbunza, ozala mungala, ozala musuku, ozala mutetela, école nyonso, ozala posato yamba. Oko benga bisoka na numéro za fiche, parce que nous on a besoin. Bolo beleko na biso to luka, ukolo moko oyo ako relater biso li solo ya mboka na bango ndenge zalaka na minoko na bango mboka. Donc voilà, c'est un peu l'idée de notre rubrique auto côté bongo na kati ya quoi des salons tous en koko na biso a bandela ko expliquer biso ndenge nini ba lamba pona musaka biloko ni bachaka na pona na bango musaka. Donc voilà koko soko ko ko expliquer biso biloko na ya pona musaka o chaka nini na nini. Merci. Biso na mboka na biso eloko penza ya liboso eleki kolia na mboka na biso ezali pondu ya mosaka mbondo. Ok, oyoki bo sikoyo biloko totiaka na pondu ya mosaka oyo etiaka pondu elengi po olia totiaka mongwa te. Ok, biso toliaka pondu na biso malili. Ok, totiaka donc koko na okio bien te ndenge bosala pona musaka bwe bochaka ngo babenga ngo ni bochaka ngo nini te mungwa te te donc si biloko olamba maboe mungwa pe kokota te te mungwa iko kokota te eloko iko bongisa ponduka mbala o ngai na ti donc sukali wana ya mbala ka ndenge bosala sukali wana ya mbala nde ekoti ya pondu suke. Ah, eh ok na ba solo oyo oyo. Donc, ba solo pona kosomba ba solo soki neti mutaza mposa kolamba ngo asomba solo ya mubesu te. Donc solo esali ba couleur boende yango ya kosomba. Ah, okay. Oyo esali lokola etela oya ba couleur oyo na pipi ya mubesu otuti na pondu esika moko alotokisi. Ah, okay. Ntango pondu ekobela okamati musaka yo otutaki oti na pondu boli oti ya keloko moko donc na pondu na biso boye eloko otuta na pondu eza kaka pilipili ya vert oyo esili. Ah, solo pe fort otuta ngo solo kotuta te solo kobwaka kaka na bambuma ndenge eza bobwaki na ntango ekolemba nde osangisi na pondu oti musaka. Ok, donc voilà bokoki bongo explication biso tozela kaka parce que eloko ozwa biso peut-être tant mingi eza comment on appelle mbila na mbala. Donc ce que les mbinde ce que ko comme une étape parce que déjà to comme une étape ya kodongo la pondu na simande na ti pondu na moto ce que belinde na union sona sangi. D'accord. Non, prenez ma tissu. Donc voilà, toujours là. Bilou na biso et kota bongo na moto. Donc to kon bongo na étape ya pondu ko na biso zolinga dongo la pondu po a tout temps boye explication linga pesi donc pondu na e a tout temps kaka na pilipili ya vert. Donc bachara ni ndembi ni ai ni litungulu donc elo côté. Pondu na yo tout temps kaka na pilipili ya vert donc voilà. Mais ko to moni sa msala kara yo moko mutu mo tem so ko ko aider po sa biso te ke pondu ro tout temps yo moko quand même pour nga pe amona tout hein na tout mais koko ezan le mo ko zongelinga na mutu parce que to zongi sou na mboka parce que to anda ko yo ka mingi babenga ba mongo baza ba miibi parce que c'est pour babenga ba mongo baza ba miibi baza pe banduba ko ba nduba de jo expliquer ki biso c'est ça pour babenga ba mongo ba miibi dala biso ba mongo to za ki nduba te to za pe moyibi te soko ba benga bino ba miibi la conseil ni so ki nduba ba to sangisa me province moko na mingando oyoki ok asi ne kolo na biso peta to za ki nduba te pe ba mongo ba za moyibi te ba mongo nde ba salaka na mundele ok mundele atungisi banga futi bango mbongo te. Donc, Mundela, c'est bon, Damo yibite. Moyibi o ekoka pratu. Mboka yo se koma moyibi. Kasi na mokoko baloba ba mongo kinumba. Ba mongo moyibi. Biso moyibi te ne miso makasi. Mundela afuta ka biso te biso te peto botoli ye masua. Donc na kanda wana. Na kanda ya futi biso mbongo te. Ndesko minde ba mema bino sanke mba ba mongo bazaka ba miyibi. Ba mema. Po mundele miso bangala batungisa biso te. Mosaya mongala miso makasi. Eza la mwasi, eza la mobali. Eza la mokolo, eza la mwana muke. Sko miso makasi wana eza la ranabisika nini. Na libala pe foza miso makasi. Na mousala na nyoso. Okonza la miso makasi na libala mama. Mobala kendo gela ombando yebite. Tuta ye makoni. Bon, toko. Da pege zo yoka. Da miso gafoza la partout. Miso makasi ya bangale zaya. Oh, kakalika momo kote. Na nyoso. Donc na nyoso ana na libala. Oh, okuti mobali na mbanda. Olyope o tumbuke la mobali o beti nde mbanda. Tala, nde mozo ama na bisa. Ta nde ye minde ba beta ba to ba fimbo. To banga te. Oyoki, biso to banga kate. Ok. Donc voilà, vous comprenez. Parce que Coco, en tant que Coco, expliquez, parce que c'est vrai, tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Tu es solo là. Aya na yebisa ye. O bango bana o babotami ana kisasa. Ba yebi kola ma pondute. Aya na yebisa ndenge balamba ka pondu. OK. Non na ebite so ki mama nadi na koko ya deja aya po. Peki walo ba jete sale lo mo sale na e bominga na ko se kadan. Ebite so ki mama nadi na koko kota deja na plateau na biso po a aider mama de temps en temps tozo solo la côté kuna pe bozo beta mais na olinga o expliquer pe no expliquer na lingala o expliquer ce qu'on a mon ramboka le temps mama na biso nadi na zokota o expliquer bana poto nyoso ba Rolanda o siko na kimongo biloko yo zo lamba o expliquer o siko na kimongo o bengi pondu na kimbong na kimongo solo na kimongo musmbila donc nyoso expliquer biso na kimongo donc voilà. Ouais, maman, la biso koleka, koleka, ils ont un problème peut-être ça direct. Mais que ce bako peso kiti po vanda po, ka moto beta mo diso na kimongo. On la singa pe na kimongo, ko sala bien. Donc voilà, je sais pas si on peut me donner la chaise. Voilà, ma chérie, au copé sa kitty, ça ne dérange pas. Ils ont l'ango direct, donc voilà. Koko, si vous pouvez expliquer, biso, suspect, n'a habité maman a dit dans le bapé qui mango. Maman a dit encore poussana, mais elle a dit maman a dit n'habitez la bingo maman yaya bon ça déjà yaya nanga vous appelez maman donc voilà comprenez très cher ami internaute ah tout le monde a quoi comme ça la pondo quoi expliquer biso hein expliquer biso et ça biso nanu yaya maman a biso nadi na bingo yaya parce que normalement naza yaya nanga naza ajmona yaya donc voilà Nadina get away. I work in the yala. Oh, la maga bawa bosaka. Nga o somba bawa. Opo somba Congo, Congo le kibolo. Somba kausu. Oh, somba kausu. Oh ya. Oh bambola tsaya. Oh lila basi batsaya. Oh tela bawa. Oh kolali wali ko soko soka. Oh lusanda sibanko batsaya batoka. Diwazo tokate zoya. Donc comprenez. Oh, kola lenkina mba. La babenge. En train de parler, nga na zo. Oh, sanga ya. Nga tout avec diwa. Oh, kola solo, la mère la. La babenga ba. Solo ba yoku ba tout là. Bien, il est le nez. Oh, kola solo. Bibi le nez avec. Oh, tout là. Oh, li la la ba wa. Ali ba koya. Oh, tout à bosaka. Oh, li lo saka ba benge ba ko ba ki lila ka ba ki wola maka. Lo yo la la ba wa. Confiance au bon. Na La solo. Oh, le colamposo, oh, le sampinsi na elle mbisa bawa. Donc, yemi itbo. To sangelo bato, baba, balanda, bosalo no kiwe sal. Donc, ekiso, toyo kele bawa bosaka, ebi me mongo boti. Boti ane zaneti, ebi makitoko. Donc, ko lamba oya zola kisanga ane zalo kola, na lamba pondo ya mosaka na babiloko ya tiena kati wana. Po, nga hi na za mongo. Nga na bota mi na za mwana mongo. Zola za mwana ya mwana na hii. Yangwa zola kisanga msuso na keli bala, nga bali ya kapo na mafuta kiki. Ifo bala, nga bali ya kapo mbi ya ekolo, ya mboka. Ekolo, na biso kwa mesana kata. Emi nde mongo. Il faut que la kebao iba bola bo kiso. Bolo kiso ba kula ka ba le na mpoto ba le ndi sasa. Mais mon rombo ke sanga ba chia de poule. Ba le na mpoto ba le ndi sasa. Bayo ke mposa ya ndala ba wa bo sanga. Dondi lombi kinyo. Ba kula ka ngalo kisindi lombe. Bolo ka mposa ya ponda bo sanga. Oh leta wa choka we. Kina bono ka we. Oh na so kitampaka. Bolo sangela kolamba lila ilanda data kola bawa tokisa ngosi so tuta nini mba o kola bosaka ngo bawa bawa o kitisa o kola bosaka o lila sina ele tomatola eyo tokaya sante eyo tokaya bolo eyo tokaya force emoti situ iso bala basi mudela ngala komi bola mbuka la biso yango baloba ke botama. Parce que c'est votre zone, maman. Parce que c'est votre zone, maman. Yoka. Donc on a la façon. Ma coco la biso ma maman la biso. Tant on va au bazo pota biso. Et les ayant été fait le mois de l'air, ben les coïncides sont là, mon ramboca. Abim coco la rende au bota miwa. Biso toi bata ma case. Ok. Toi bata ma case n'en dégaine. Ngato botua. Bayo to sokola la bokako. Okay. Bokako ezaneti ba pambola kabiso. Okay. Bango ba yebi kolamba. Mhm. Bayo kakabana la bango basi sonite. Okay. Bayo kakapibana la bango mbali sonite. Mhm. Dango yozobota mameka na ola kisanga pona musaka na lambela mobile nga. Ndenge pa koyoka nga sonite. Akola kisanga e robota myano za mwasi. C'est ça na libala fo sala. Bali bala sala kandenge nini? Babenga ka mobile ndenge nini osolola na ye. Kolamba ke lubu ndenge nini? Saka babeta kana likemba ndenge nini pe soki okomi na butu batena kambetu ndenge nini ba server ape papa ndenge papa ndenge nini bapa ya pe papa ba yamba bango ndenge nini yanga na moliso kitokoli toyokele tu bakula galo ya ngalo bala ba basi abinu ba non ça dire ba vérité o bozara on école na bino on ba bien ape bino ke bozara na pudeur te bolo baranyo so sans ko bomba or ke za ko ela kozanga pudeur te de vérité pour moi na parce que beaucoup mingi peto yebi ba bombe la rabana makambu dire moi soni mo or moi na déjà de bon moi na faut relaxer que non vie za la kaboza kaboza kabo yangwana o mona ka kibiso ba yebi sabiso bota mapoto za kapene lengi na biso ya wana bia lokuta ba wa ntefe la ba ya ne bo wa dio among ale wa sukali lo ya inyo mo bolo ya do za ra lokuta te za lokuta te ale wa sukali Mama bisa bota raza mungala teme ezaki na koko mora mungala banda ko ya ko saila e musaka banda ko ya ko saila musaka est-ce que pona mabele disons pona mabele banda ko bimate est-ce que za rape pona mabele toni za rape pona mabele toni za rape na mabele na ndenge nini kwa mwani ndenge azoti ya mbila ya musaka wana musaka ne za laka kilo okay tango yo zo ombezo melisa mwana uti ko bota sika so mabele bimate ozoli apona musaka na maboko ozoli apona musaka na maboko e roli apona musaka na maboko musaka na nyose zo koto na mabele zo vimbi sa mabele ozo mon ezo vimbi sa mabele ezo soanyo libumu yango la mwana ka to ebite na bikolo misusu mwasa mongo soki a boti tango aza na wale na ye okomoni aza ka lailai kwa biloka bwe epesaka mwasi vitamini esokolaka mwasi ntoto nyonso ke mwasi azala propre ozomo na mai ya moto nde esalaka biso ke ezala propre ebimisaka mabele efungolaka mwasi po ero oza na zemi okokonda okobeba bakapisa zemi bi moko boye ero esiko ekobota yango nde mpona musako nde moteko ozongisa yo ata kolia na mikolo nyonso tute bakolambela lelo ose nango 3 jours ozolia yango nde siko mutebimisaka mabele eza musaka na pondu nde ebimisaka mabele siko balobi bamongo babangaka te omona bamongo bangala bango batongolaka kaka pilipili osangisi na ntango esi mpona nini kosalela babiloko makasi mpona kati ya nzoto esalaka nini mpena na nzoto bangala batongolaka mpona nini omoni mwasi soki aza na zemi mwana avandaka na libumu banda 9 mois na 9 mwana mwasi ayaka kopedre nyonso na kati na ye ozangi apeti ozangi nzoto era po ke kobota ebaki obimisi makila ebele makila ebimi ebele sikoyo e makila ebimi ebele gazi nyonso mwana azaki na libumu evandaka na libumu evandaka do apeti ana nyonso lokwa ezangaki il faut oluka nete pa biso koko na biso ndenga asalelaka biso asalelaka ba mama na biso bandeko na biso mususu akozwa kaka pilipili ya mikie mikie wana ya mobeso ba pilipili ya mikie mikie oto lambelaka oto lambelaka atuti atie na mai na ye ya moto kaka ndenge ya saba omo ba bibi biloko na bango basalaka nde ba kozwa bibi la ba tongoli ere ba tongoli o maiwana soki ozangaki apeti ya kolia yango nde mute kopesa apeti ya kolia sope nzoto esilaki yango nde mute kozongisa yo nzoto na yo mezalaka te mpe soki bomwasi na ye ezonga mpo tobotaka ere tobotaka wana wa bandeko nanga ezalaka lisolo ya biso basi mpe ata mibali bayoka meza problème te l'essentiel bayoka mpe baoyo peut-être basalelaka yango ta monike nzoto auti obota azomona nzoto te donc à travers émission oyo ya mon village okoki koyeba bokoko parce que bokoko eleki kaka ata tokosalela biso bakisa mindele mai fo tozongaka mpe na bamatiti na biso na babiloko na biso esalaka mwa bien kua donc voilà manadi ndenge obandaki koexplike nde yakozwa pilipili ya mobeso mpo ntango biso tozalaka na zemi tokoki koloba ke nzoto na biso ekitaka ekitaka na yango mwa mwasi mosusu soka boti basalele bakisi wana te akomobela pota likumu akomolela motu pasi epui na kati na ye ya bomwasi na ye mosusu akopedre oyo ezalaki kitoko na ye nde omonaka mwasi mosusu azoba nazo comprendre te na boti me nakomi polele mwasi mosusu abi mobali ye mosusu avandi mpona miniti ano boti soko ozongala mobali aka na posa aka na posana eka na posana o papa soko asimbi yo boye kuna yo sobebi na yo seke babongisi yo te sikoyo na nzela ya kotongola wana nde eyaka kozongisa matrice nyonso na esika nango bapilipili eyaka kozongisa bomwasi na yo ekitaki na esika nango mpo ebloke ekanga yo ozonga ndenge ozalaki ata bakisi ya mindele ezali me bakisi oyo bamama na biso basalaka oyo soki aboti mwana mwasi nyonso soki aboti ezongisaka biso bomwasi na ndenge ya okolinga te wana ta papa lobi soki abe mwasi na ngai aza na bebe mwaeza te yango tolobaka ero nyonso mwasa mungalaaka mwasi elengi o aza na bafasio na ye oyo babongiselaka ye ozomona ezalaka mabe te ebongisaka biso ezongisaka biso matrice ebongisaka bomwasi na biso efungolaka nzoto epesaka biso apeti nto omonaka pilipili yana mike mike na batangaosa na basangisaka po ebongisa nzoto ya mwasi voilà wana boyoki totoucheka mokie na parti ya parti na biso ya bamama kotala kaka po topesa bino mpe ide bino nyonso msu baoyo bobotami na poto boyebi makambo mpenza ya mboka na bino te eco RDC eza wana mon village eza wana mpona koaide bino bocomprendre maa mosusu oyo boyebaki te ya mosusu par rapport à santé par rapport à kolia par rapport à ndenge nini bozalelaka na ekoyo na bino par rapport mpe ya ekila surtout bekila mpe ezalaka très important il faut koyeba yango soko osukoli mai ya moto te sante na ye ekozala bie te vraiment donc voilà bokolanda bahôpital makambo balobaka te mais biso bana banga tozalaka na bekila biloko te bekila biloko neti biso bakoko na biso balakisa biso kaka ere ozobotama zebisa mwana nga mwasi kolia nina te nina eza mbisi moko boye ezalaka poso petepete boye eza lokwa courantsoaningaaalengisaka kolia nina te sokolia nina ekosala makwanza ekowana bakwanse na bangoeeeza ndenge akutime na nina wana neti biso toliaka ngo te na bamongo nyonso abotami mungala te me mongo mpo bakoko na biso balisa biso biso toande bamongo bamongo basankusu bamongo babolenge bamongo toande bamongo tosimba nina te tosimbaka koba te tosimbaka nzongo te na bana basi osimbaka tokoma kosimba lelo mpo biso tobotami na kishese koyebikaezalakanakini toyebina zobikilawana te tosimbaka te bampakasi obobengaka bampakasi ano tobenga yango neti nyama ngo kombo yango liliko okombosa na biso tobenga yango siko mpakasa me ya biso toye kobotama bi te bolia mokomboso te bolia nini te me na babiloko nyonso etikali ya ntuka moma tozaka nekoliaka na bino toliaka na biso donc voilà comprenez otouti bo mai na suka bokoexibele biso mwa quelque part ndenge bamongo babinaka na ekolo na bango en tout cas erosala biso donc voilà comprenez atala koko na biso donc koko na biso apesi biso mai koko opesai biso kombo na oyo babengelaka awa te na nini opesai biso kaka kombo ya mboka kombo no pende ya bolenge oyo babanda kobenga ozalaka na babandaka kobenga ngai kaka bolumbu itola marie jeanekombo ya bolumbu na bamongo mobali oyo azala na mbongo te ya kobala bolumbu te d'accord donc voilà comprenez journée. Nous sommes là dans le camp de notre émission Mon Village. En tout cas, merci Maman Nadine. Hein. Merci na assistance. Non, vraiment, ça va bien. Nande Bosoli, na moi qui mange. En tout cas, j'espère que ma mange en Nyonso, Batounyon, sur l'Équateur, va se retrouver par rapport à l'émission au Mon Village. Mais bonjour à la Carawane. Pour la Monico Kalobi, bien vraiment dans la caméra. En tout cas, félicitations na yo. Toza Kaka, toza la team Moussaka. En tout cas, Pega, toza Moukongo. Il faut les lots pour nous Moussaka. Donc, j'espère que Papa Jean Tchibou est PC pour ça. Pas tu parles à Ramonga, là, Pegi Walonga. Moulouba, voilà. Malheureusement, ça Moulouba, mais côté la Pona Moussaka, il est PC pour ça, Rolia. Donc, voilà. D'abord, nous sommes obligés de regarder si vous avez encore à brancher. Si vous avez encore à brancher, vous avez encore à brancher. Bon, Pona Moussaka qui papa la Moussaka, il y a des Likambali Bokonde. Ok. Il y a la Pona Moussaka, il y a des Likambali Bokonde. Il y a Moukongo. Attends, Moulouba, attends, et Colonie. Si vous avez Pona Moussaka, il y a des Likambali Bokonde. Il y a des Likambali Bokonde. Il y a des Likambali Bokonde. Il y a des Likambali Bokonde. Il y a des Likambali Ah, donc faut pas savoir son secret. Ben secret dino e kanga ba papa dona kanga pegi walungwa kwa. Netimo sa pega bi pegi butu pasi. Donc faut en a formule onino okangela papa. Donc pegi t'inquiète. To so pesa mama solution siko. Aye ba nengi na okangela yo. Donc voilà, retrouvons-nous tout à l'heure pour petit à petit to so kende. To so ba muke muke na suka. Ko bilo na biso ke na kobela donc to kutana tout à l'heure. Et encore, on a besoin de ça, c'est comme mélange à Moussaka, na Mbila, na Mbala, pour tous les bleus, on a besoin, car on est là. Retrouvons-nous tout à l'heure. Donc voilà, merci beaucoup. Ah, c'est la même chose qu'un travail, non? C'est pas fatigant, c'est fatigant. C'est pas la maison, c'est fatigant. Qui là? Pas la maison. Les gars. Voilà, on comprend. Je vais aider mon compteur à prendre un bon tout pour se faire. Vu qu'elle fait guillemot moi dans la caméra, donc... Ça sera un peu beau, tout ça pour une fois. N'est-ce pas, Madame Adi? Madame Adi, je te fais des gros coucou. Voilà, quoi. Il faut qu'on en parle, oui, ça, bien. Thank you. Mbala yangoyo, wow. Mbila yangoyo na eko tuta mosaka. Sopo ne doni. Ay, na jui mosaka na ti, na eko tuta. Saka oyo na si nde Dolina na mbala pandu yango ezoto musaka yango na zo sala mbala yango soko pande beli na ti musaka ale Dolina mbala o ba solo na ti ati na zo nyaka. Tu mula ngapain mau hilung gitu? Auti kozoba solo ya mibimba oyo atiaki na pondu azinzi eta fufu na ye abandi sikoyo kotuta ba solo wana po efina na sukali ya ba solo ekota na kati ya pondu a musaka sikoyo azwi musaka na ye asa shofaki yango deja yeyo azotia na kati ya pondu a musaka don ndenge azolakisa biso tozala yango sikoyo yango oyo oyo sikoyo eza musaka azotia na kati ya pondu na ye oyo a à tout à qui la basse. Ce qu'on a vu, Neti Moussa, ce que Moussa a fait, c'est un kilo, tout ça, quand même, il y a un kilo. Ok. Ok, so que ça y a wale, c'est ya mai mai. So que ça y a wale, et que ça la moi mai mai. Pour elle, raison, mais la soupe wana, et zo kota wale, ti na ma belle. Ok. Mais so que ça y a wale, ti neti na ndaku, si kota zo li a mon akati a ndaku, il faut ça moussaka ni za moi ki lo e. Fo moutunyon so, alia a se pila la mou. Ok. Amo mou les abon. Ah wa, maman a sangi si. A sangi si solo. Solo na e mi bimba wana tuti on a pondu a sangisi pilipili ya vert bon yango moni a komi na etape ya kotia osaka na e ok est ce que ndenga balusi bongo apo ozong se ndenga zong si na moto foto balia ndenga zong si na moto wana mais batu bako lia na bango pe bongo bila ese belaki atokisaki deja pondu na e ese belaki lembi dans la minute, ceux qui nous donnent la posse à Colia, à Colia, on est très bien. Mais ceux qui nous donnent des heures, on est dans la moto. Donc, on est à Zongi, c'est ce qu'on a. La moto pour échauffer. On y a moi moto en est sage. Mais apparemment, tout le monde peut m'balader. Bachete, m'balader au côté de la souka. M'balader au côté de la souka. Bon, il faut akata m'bala. M'bala n'a pas de dépêche, c'est ce qu'on peut nous souka. Nous souka. Ok. C'est ce qu'on m'bala dans la kondeza ke batubalia ka pondo musaka na sukali wana ba mongo ba ebi ngote ba mongo normalement la na ndenge bande lipi na tune na zalo ba ke na mboka tolia ka te awa tolia ka po ba pondo elalaka ok eza nele ba pondo elalaka mais siko eza pona nini mutu mususu pondo ya bangala balia ka mfu za malili eza kana mungu ate eza kana sukali te sukali na ngoka ndi ba tiemba la wana siko mutu mususu kwa sepela na kolia pondo wana je bazwa ka sukali mukie a tie kwa lia na kuya sukali wana mais normalement bangala balia ka mona sukali te na mungu ate balia ka ngo pondo ya malili Donc voilà, très chers amis, comprenez que nous sommes vraiment arrivés presque à la fin de notre mon village du jour, hein, notre première rubrique qui a co-RDC. Donc voilà, on va se retrouver dans notre communauté. Puis il y a Mbala, il y a Mbala Souka, mais Mbala il faut les annoncer qui pétait. Hein. Donc Mbala, à terre, à Pembe, à terre, à vous, à terre, Mbala les années, à Tambala et à Pembe, il y a Jean. Donc, couleur en yon soumbala, mais ça se combat à la soukali. Soki à soukali, au coquille, au tiens, on a kati à pondouté. Deux fois à car, mbala à soukali, au tiens, on a pondouté, et puis ça pondouana. Et puis ça roule. Chers amis internautes, nous voilà arrivés presque à la fin de notre rubrique du jour à mon village. Mon village, on vous expliquait bien notre mouvement dans mon nom et désormais. Alors, les autres, il y a un peu de bino, moko, il y a un mongo, c'est-à-dire qu'il y a un bandit dans l'école, il y a un mongo. Donc, prochainement, tu as un bateau à Bandundu, à Congo, à Swahili, donc, disons, la tribu Nyonso, toi, la province Nyonso, tu as un bilan au Katia. Et pour RDC, la République de mon village, notre commune est vraiment un souka, on a un bisopé et premier prêt. Parmi les locaux de mon baliaka, les locaux de Moussa Lamina de Moussa, on lui a Moussaka, pour moi on a fait une présentation en haut, parce que nous allons avoir déjà un message, tout comme il est prêt, il y a collé. Alors elle va lancer un message, il y a un peu de Nyonso, au Burundi, de partout, de mon Nyonso, c'est-à-dire, la communauté Nyonso, au Bazan à Poto, au Bazan à mon en tout cas, pour que nous allons lancer un message fort, et puis, donc, je vais monsieur Lamina, parce qu'il faut que l'IA, Moussaka Lamina de Moussa, au Burundi, pour que nous allons lancer un message. Donc voilà, pour que tout comme il est bon, na suka ndoko na moje misona mesani ndoko koloba na bamongo nyoso ba kulanda na monde entier mo message mena ki mongo bon merci ndino goza ba kongo bon ndoko ya bamongo ngodi aka awate ngai pe koko na lambeli bino pondu ya mosaka ya ngoyo na mbala Ok. Lenge toliaka, miso ba mongo. Yangoyo tolia. La sengi ba na bazana poto ba koko ba na. Non, linga message wana le bon na ki mongo. Ah. Bon, ndo senga ba na uma ba le na poto. Ka jene te koko bolungu jan itola. Ao lamba pondu yo saka, ao lamba la ba koko ba kai. Pondu yo saka te bale. Et mon go, ndila ki o mbala, solo, te eka pondu elengi, ou zempe to yola. sukai eresa de pa e a bontonga langa ale nga bonta volange ala upondu ya mpamba tina isondo la to yale upondu ya mpamba. Le message au Tindi à Rwanda. Donc voilà, Coco. Tout le monde a bala na poto. Nazana bala na poto. Na pesi folas. Eme mosi a eme le yambote. Na pesi pe ya yana e ya malibe. Mbote. Na pesi pe bana nyoso. Bana yale kinanga ya mebali. Na pesi bango mbote. Na pesi bango konanga nyoso. Na bana folas na bana maibe na pesi bango mbote na pesi mwana na ngai mosusu oleki ya maido iso tamani na pesi mwana na ngai mami na bana mbote onyoso bana poto bino nyoso bozana na poto na pesi ona bana na mwana ya mobali na bao ya boyo simbi bango ya mike na pesi bino nyoso mbote okay, bon mwana ndenge koko na bino alambi pondu ya mosaka alambi bakoko ya kisaza bino pe na poto so ba mama bazana na posa balambela bino ba mwana ndenge kai na mosaka donc voilà merci beaucoup Coco. En tout cas on déjà au chez la biso tellement yom to lambi au chez la biso na basali comme ça tout le cato mais comme ça quand on est bien voilà on va là nous sommes presque arrivés à la papa on bon quand même la biso ya oyani na souka donc biso mtouza wa tout le cana nous tout ka gundenge zalili donc le guide avec on a déjà moi souri quand mon thème dans la biso aussi ça ils ont récupéré ma solo la vite ma na dit mon beau na yo na ba no so wa na on est RDC mais ma na dit la souffler à l'itoy la souffler à goûter thème sachez que c'est une actrice il y a théâtre donc voilà na bazana ba casse na ba kadiombo kadiombo parce que présentement ça tumba après si tumba la baptiste Ernest ada tout ça ada tout ça donc Mais je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Mais je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas et ça, elle vous montre spécial. Elle est louée, mon coeur à Botouya. Nga Ola et Louéne, Oko Kiabolo na Djongé, Baël et Ndotia, Bassa Kinyonga Baboué, la Baboué, Lola Mabodi, Wajo Saka. Nkoka aussi, la Ola Toumia déjà. Il faut pas qu'à la Kentina, Obiginio, Pelle, la Posta Yanda là-bas. Président Langaï, Kadiombo, Max Kadiombo, au Balan Arabiso, vraiment, on bota trop, au Balin Arabiso, on a Balin, on a YouTube, YouTube, j'ai Batal Arabiso, on les caca, vraiment, on a Bino Mini. Voilà. Donc, bota et la Bino Mini. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin, nous on va déjà manger, là je tiens à saluer Tantine Adrienne Alas Adi Madonna, donc gros bisous à vous, maman, hein. Tantine Adrienne Alas Adi Madonna, c'est vraiment une internaute à l'Andaka et quoi, RDC, vraiment maman, gros bisous à toi avec tous les enfants de Novan, donc celui qui a fait le clip avec Terry Mukondi, donc c'est la fille, l'enfant, disons le garçon, le fils, à madame Adrienne Alas Adimona, donc gros bisous à vous maman, et puis l'internaute Nyonso à l'Andaka et quoi, RDC, donc voilà, moi je vais déjà manger mon moussaka. Je vais goûter sur la monie la coquille à roue à pambaté. Là, je peux rajouter du sucre. Donc voilà. Je ne sais pas, je vais goûter. Mais ça dit vraiment ton temps. Bon appétit. Merci, bon appétit. Et merci. Mmh. mais sans sucre c'est bon aussi. Donc quoi tu as sucre tu veux vraiment mais bon, sans sucre c'est bon aussi parce que je suis aussi habitué avec le monde quand je mange. C'est la première fois qu'on a sans sucre. Donc voilà, je vais vous faire. Mais c'est trop bon. C'est trop bon sans sucre. Donc, éviter. Bon. Puisque ce que tu as dit, c'est que tu as dit Oui, mais bien, mais on a mis ça en sucre. On a mis ça en sucre. Pour les amis, l'autre qui s'est rendu au tour. Oh, ce qu'on a dit, c'est que nous avons un peu de poto. Bah, mon soi, moi, si elle colle Mais quand mon cœur a permis de faire la vie, de la vie. Vous avez le rapport, ça, vous avez le rapport. Et puis, quand on fait la face, on fait la face. Quand on dit que tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un Je suis un papa. Je suis un papa. Je suis un papa. Je suis un papa. Je suis Voilà. Papa. Je suis un papa. Je suis un papa. Je suis un papa. Je suis un papa. Je suis un papa. Je suis un papa. Je suis un papa. Je suis un papa. Je suis un papa. Je suis un papa. Je suis un papa. Je suis un papa. Papa. Jean Chibo Chibongwa. Merci à vous. Merci à Pedro Alongwa. Merci à Noémie et Noémie, Miss Mango et puis moi également merci à moi-même aussi Nancyka Soro parce que je dois être compromis que non en tout cas photo tchao rebonjour en marche en tout cas merci à toute l'équipe de CORDC voilà on vient à la fin je salue toutes les personnes qui m'aiment qui me connaissent à mes enfants la mienne Linaka c'est Steve Tarit à mes amours à mes parents à ma petite sœur Gaëlle rebonjour à toutes n'importe où sur le bureau ouais la ligne au niveau comprendre dans Non, ma chère, mon amour, vous la bonne de ça. En ami, nous donc nous sommes arrivés à la fin. Tout à la prochaine fois, les amis. Bye bye.